Psaume 102. Prière de l'affligé étant dans l'angoisse, et répandant sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière, et que mon cri vienne jusqu'à toi. Ne cache point ta face arrière de moi, au jour que je suis en détresse, prête l'oreille à ma requête, au jour que je t'invoque, à toi, réponds-moi. Car mes jours se sont évanouis comme la fumée, et mes os sont desséchés comme un foyer. Mon cœur a été frappé, et est devenu sec comme l'herbe, parce que j'ai oublié de manger mon pain. Mes os sont attachés à ma chair, à cause de la voix de mon gémissement. Je suis devenu semblable au cormoran du désert, et je suis comme la chouette des lieux sauvages. Je veille, et je suis semblable au passereau, qui est seul sur le toit. Mes ennemis me disent tous les jours des outrages, et ceux qui sont furieux contre moi, jurent contre moi. Parce que j'ai mangé la cendre comme le pain, et que j'ai mêlé ma boisson de pleurs. À cause de ta colère et de ton indignation, parce qu'après m'avoir élevé bien haut, tu m'as jeté par terre. Mes jours sont comme l'ombre qui décline, et je deviens sec comme l'herbe. Mais toi, ô Éternel, tu demeures éternellement, et ta mémoire est d'âge en âge. Tu te lèveras, et tu auras compassion de Sion, car il est temps d'en avoir pitié, parce que le temps assigné est échu. Car tes serviteurs sont affectionnés à ses pierres, et ont pitié de sa poudre. Alors les nations redouteront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre, ta gloire. Quand l'Éternel aura édifié Sion, quand il aura été vu en sa gloire. Quand il aura eu égard à la prière du désolé, et qu'il n'aura point méprisé leur supplication. Cela sera enregistré pour la génération à venir, le peuple qui sera créé, louera l'Éternel. De ce qu'il aura jeté la vue du haut lieu de sa sainteté, et que l'Éternel aura regardé des cieux en la terre. Pour entendre le gémissement des prisonniers, et pour délier ceux qui étaient dévoués à la mort. Afin qu'on annonce le nom de l'Éternel dans Sion, et sa louange dans Jérusalem. Quand les peuples se seront joints ensemble, et les royaumes aussi, pour servir l'Éternel. Il a abattu ma force en chemin, il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève point au milieu de mes jours. Tes ans durent d'âge en âge. Tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu seras permanent, et eux tous s'en vieilliront comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu es toujours le même, et tes ans ne seront jamais achevés. Les enfants de tes serviteurs habiteront près de toi, et leur race sera établie devant toi.